Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, 1996, Pitbull et Hagra, Red Bull et vodka, Asbat et Rodka. Qu'est-ce qu'on fait devant Nico et Marine? On vote pas, Winnie Fouini, baby frère, on sent monter le level. Veulent du lourd, donne-leur ce qu'ils veulent. C'est pour ceux qui tapent à Lidl, ouais, c'est chaud, demande à Seven. Dans ton gir, on n'est pas les seuls et tu finis dans un linceul, frérot. Ah, si tu traces l'œil, au fait, moi c'est Fouine là. Et je suis dingue de ta tèche, Navi la villa, Navi la villa. Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, frérot si ta lance pas, ma main ne la serre pas. Red Bull et vodka, whisky, coca, Red Bull, frérot j'suis trop loin, Wiz Khalifa. Rajoutez des zéros si vous me voulez en tourner, frérot j'suis comme la blanche, j'vais vous passer sous le nez. Et arrête tes salades, mets-les dans ton sandwich. Fouini fait du cash, Thiago Ibrahimovic. Fouini Fouini baby, laisse-les parler, faire du cash il fallait. Inégalé frère, on vend du sucre et l'addition est salée. Salé, j'ai pris du volume pour voir ma vie s'étaler. Rage du balai, j'ai fait du chemin depuis le retour et l'aller. Si t'arrives dans ma cellule, pleure pas comme une bouffonne. Une PlayStation dans ta tête, voilà comment je te console. Fouini Babe 78, Yveline. House party, les billards dans la piscine. Ouh la la la, Andy Pitch comme Gilo, mon flow n'a pas pris une ride. Ouh la la la, c'est le retour de la BS, Belvedere et joint de weed. Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka, Red Bull et vodka. Yeah, hey yo Fouini babe, le son mange jaille. Je crois que je peux doogie là-dessus ou quoi? Lego! Swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag! Les coins vifs sont plus assez vifs pour nous!